Chapitre 11e, Flashback. Les hypothèses de Michaud n'étaient pas très éloignées du déroulement réel des faits. Ce samedi 15 avril 1966, à 18h, en effet, le bahut est garé dans un chemin creux à l'abri des regards. Vers 19h, il se met en marche et va se mettre en planque au bord de la route de Rognes. Le camion est maintenant garé sur une aire de stationnement au pied des rochers, dans une succession de virages. De là où il est, depuis la cabine, le conducteur peut apercevoir sur la gauche un passage de la route situé à 100 mètres de distance. Sur le siège, un Mas 50, calibre 9 mm. Ce soir, je crois que tu ne la verras pas, ta poule, mon René. Ah, ça y est, bingo, le voilà dans le virage là-bas. Allez, Thérésine, surtout ne cale pas. Attention, faut pas le rater. Première, emballe le moteur. Une Simca P60 bleu marine débouche dans la montée venant d'Aix, de gauche à droite, pour le camion garé. Le conducteur de la Simca rétrograde avant le virage. Le camion bondit de l'aire de stationnement et vient percuter l'avant-droit de la P60. Sous l'impact, le conducteur de la voiture percute le pare-brise de la tête, l'auréolant d'une sanglante toile d'araignée. La P60 se met en travers. Le camion recule, moteur rugissant, et manœuvre pour venir placer son pare-choc avant contre l'arrière de la Simca. La voiture, poussée par le puissant moteur, franchit le petit parapet et dévale la pente en cahotant pour venir s'écraser contre un gros pin. Le tout n'a demandé guère plus de quelques secondes. Le bahut reprend sa place sur l'aire de stationnement et le conducteur laisse tomber à terre un petit souvenir. Quelqu'un descend de la cabine, traverse la route et emprunte un petit sentier qui descend dans les boulis. La voiture est posée sur ses quatre roues, encastré dans un pin. Toutes les vitres ont volé en éclats. Le conducteur est couché sur le siège avant et râle faiblement. L'assassin lui laisse reprendre ses esprits et en profite pour faire sauter les plaques minéralogiques. Puis l'enfile des gants et secoue le blessé. « Oh, Guelmar, réveille-toi, fils de chienne !» L'autre ouvre les paupières et à travers les rigoles de sang, l'effroi se lit sur son visage. Il pousse un vagissement et ferme à demi les yeux. « Ah, je vois que tu m'as reconnu. Tu vois, Guelmar ? Moi, je donne ce que je dois. Je voulais que tu le saches avant de mourir. Allez, ciao, mon pote. » Un petit claquement de pétard du 14 juillet. Le blessé est maintenant mort. Une balle dans la tête. C'est fini. Au-dessus, une voiture passe sur la route. Pas de risque d'être vu en contrebas. L'assassin, par la vitre ouverte, entreprend de fouiller les poches de la veste du mort. Il prélève un portefeuille et un carnet. Puis il sort de sa propre poche une enveloppe et l'enfouit dans l'une des poches de la veste du cadavre. Enfin, il ouvre la boîte à gants et rafle son contenu. « Je ferai le tri plus tard. » Il ramasse les plaques, remonte le raidillon et monte dans le bahut. Il reste juste une petite pointe de jour. « Allez, fonce !» Le camion démarre et roule, tout feu éteint.